des images, je suis sage, je regarde des images comme un enfant sage, je regarde des images, je suis sage, je regarde des images comme un enfant sage. Pendant mon enfance et mon adolescence, je ne m'inquiétais de rien, mais putain que j'étais bien. Devant ma Nintendo, j'étais un super héros, j'avais un air idiot devant mes jeux vidéo. Je regarde la télé, je reste fixe comme une image, les dessins animés comme un enfant sage. Je regarde la télé, je reste fixe comme une image, les dessins animés comme un enfant sage. Quand on est adulte, ce n'est plus la même vie. Toujours sur le stress, on s'abrutit dans l'ennui. Après une dure journée où je suis déprimé, je redeviens un enfant pour tout oublier.